2. L'échange d'informations. Activité 19. 1. Où habitez-vous? 2. Comment s'appelle votre femme? 3. Quand allez-vous au cinéma? 4. Comment est-ce que vous allez à votre bureau? 5. Combien avez-vous de frères et de sœurs? 6. Quelle est votre profession? 7. Vous lisez quoi? 8. Quelle est votre nationalité? 9. Quel est votre film préféré? 10. Qu'est-ce que vous faites le dimanche ?